Eugène entendit ces paroles sans pouvoir y répondre. Il sentait sa langue collée à son palais et se trouvait en proie à une somnolence invincible. Il ne voyait déjà plus la table et les figures des convives qu'à travers un brouillard lumineux. Bientôt, le bruit s'apaisa. Les pensionnaires s'en allèrent un à un. Puis, quand il ne resta plus que Madame Vauquer, Madame Couture, Mademoiselle Victorine, Vautrin et le père Goriot, Rastignac aperçut, comme s'il eût rêvé, Madame Vauquer, occupée à prendre les bouteilles pour en vider les restes, de manière à en faire des bouteilles pleines. « Ah, sont-ils fous, sont-ils jeunes ?» disait la veuve. Ce fut la dernière phrase que put comprendre Eugène. « Il n'y a que M. Vautrin pour faire de ces farces-là, » dit Sylvie. « Allons, voilà Christophe qui ronfle comme une toupie. »« Adieu, maman, » dit Vautrin. « Je vais au boulevard admirer M. Marty dans Le Mont Sauvage, une grande pièce tirée du solitaire. Si vous voulez, je vous y mène, ainsi que ces dames. »« Je vous remercie, » dit Mme Couture. « Comment, ma voisine, » s'écria Mme Vauquer, « vous refusez de voir une pièce prise dans Le Solitaire, un ouvrage fait par Atala de Chateaubriand, et que nous aimons tant à lire, qui est si joli que nous pleurions comme des madeleines d'Élodie, sous les tilleuls l'été dernier. Enfin, un ouvrage moral qui peut être susceptible d'instruire votre demoiselle. « Il nous est défendu d'aller à la comédie, » répondit Victorine. « Allons, les voilà partis, cela, » dit Vautrin, en remuant d'une manière comique la tête du père Goriot et celle d'Eugène.